Le petit chat d'Edmond Rostand, lu par Gaïa pour audiocité.net. C'est un petit chat noir, effronté comme un page. Je le laisse jouer sur ma table souvent. Quelquefois, il s'assied sans faire de tapage. On dirait un joli presse-papier vivant. Rien en lui, pas un poil de son velours ne bouge. Longtemps il reste là, noir sur un feuillet blanc. Assez miné, tirant leur langue de drap rouge, qu'on fait pour essuyer les plumes ressemblant. Quand il s'amuse, il est extrêmement comique. Pâteux et gracieux, tel un ourson drôlé. Souvent je m'accroupis pour suivre sa mimique. Quand on met devant lui la soucoupe de lait, tout d'abord de son nez délicat, il le flaire. La frôle, puis à coup de langue très petit, il le happe et dès lors il est à son affaire. Et l'on entend, pendant qu'il boit, un clapotis. Il boit, bougeant la queue et sans faire une pause. Il relève enfin son joli museau plat que lorsqu'il a passé sa langue rêche et rose. Partout, bien proprement, débarbouillé le plat. Alors il se pourlèche un moment les moustaches. Avec l'air étonné d'avoir déjà fini. Et comme il s'aperçoit qu'il s'est fait quelques tâches, il se lisse à nouveau, lustre son poil terni. Ses yeux jaunes et bleus comme deux agates. Il les ferme à demi, parfois en reniflant. Se renverse ayant pris son museau dans ses pattes. Avec des airs de tigre étendus sur le flanc.